à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 8 février 2017 de Méloman après une semaine d'absence parce que je participais à la générale d'un spectacle qu'on a donné le lendemain à la salle Roland Brunel à Joliette, bien sûr. Donc, j'avais pas vraiment le choix de m'absenter ce soir-là, mais me voici, me voilà pour une autre belle soirée de musique qu'on va passer ensemble. Écoutez, on s'était laissé avec un beau varié format assez éclectique, merci, le 25 janvier dernier. Et ce soir, eh bien, l'éclectisme sera encore et toujours au rendez-vous, mais d'une manière complètement différente. Parce que, contrairement à notre dernière rencontre qui tournait plus autour des années 60-70, on va entre autres patauger dans le merveilleux monde de l'indie rock des deux dernières décennies. Tout ça entrecoupé de classiques en tout genre. Bref, j'ai le plaisir de vous présenter la 9e édition du Radio Pirate Méloman au 99.1 CFNJ. But I don't know where. I got this diamond, I don't know how to shine. In the sun where the dark winds wail, and these children leave the rulers behind. As he crossed and leaps from a Rubicon, the match sticks for my bones. If we could learn how to freeze ourselves alive, we could learn to leave these burdens to burn. Cast out these creatures of woe, shatter themselves, fighting a fire with your hands. Now my journey takes me further south. Wanna hear what the blind men sing, with the fossils and the gypsy bones. I stand beside myself so I'm not alone. Every time it heart is a square. I love to see you way over there. Once I was happy and found it intriguing, then he got to me and left me waiting. You make me feel like a fool waiting for you. You make me feel like a fool. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. frappe toi peste toi tiens toi jure toi ça fixe ça foule toi brasse toi vend toi vire toi brûle toi pète toi chute toi chez toi choue toi sois belle sois belle sois belle sois belle. Chante pas. Et oui, Radio Pirate 9, ce soir, à Mélomane, le tout sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou même en direct de par le monde entier sur CFNJ.net. Rien de trop beau pour la classe ouvrière et un beau petit bloc qui vient de se terminer avec « Sois belle », chanson de Jimmy Hunt, fondateur du groupe Chocolat, que vous connaissez peut-être et qui vient de sortir d'ailleurs un album en 2016. Mais là, nous, c'est en version solo qu'on a entendu Jimmy Hunt en 2010, juste après un petit virage jamaïcain complètement inattendu avec un des rois du dub, King Tubby, avec son très puissant Waterhouse Rock de 1974. Le plus loin dans le temps qu'on va aller ce soir d'ailleurs, parce que sinon on était dans les années 2000-2010 pour toute la première partie du bloc qui s'est terminée sur la très pop Carousel Ride de Rubble Bucket en 2014. Un groupe que je vous encourage à découvrir. En fait, ça va être le cas pour plusieurs artistes qu'on va entendre ce soir qui gagnent vraiment à être connus, comme celle qu'on a entendue juste avant. D'ailleurs, soit Frankie Cosmos avec la très délicate Fool, chanson toute récente sortie l'année passée. Encore une fois, on est dans les artistes très inventifs du monde de l'indie, donc de la musique indépendante des grosses étiquettes de disques généralement, ce qui va souvent nous donner une liberté aux artistes et qui nous amène à nous, ou comment je pourrais bien dire, peut-être un petit vent de fraîcheur qui se prend bien, du moins. Et juste avant ça, ben, on a aussi entendu le dorénavant classique Kids de MGMT, il y a déjà 10 ans de ça, le tout amorcé par un des héros jadis de la scène indie slash alternative, le seul et unique Beck Hansen avec Orphans, du magnifique album Modern Guilt de 2008. Et nous, ben, on recule un peu dans le temps, Californie des années 90. Un jeune DJ qui s'inspire du P-Funk de George Clinton, ce qui est Funkadelic, Parliament et compagnie. Et on rajoute là-dessus un jeune parolier qui va faire du chemin avec ses textes élastiques, toujours en plein Radio Pirate 9, 99.1 sur FNJ. Two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Bang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. Hell, but back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick. You know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that, like this and it's like that, like this and like that and it's like this. And who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. On that ass, what a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S-O-S of fresh and double O-P. D-O-double-G-Y-D-O-double-G, you see. Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Hell yeah. So Dre, what up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton. Where it takes place, so when I show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass will get smacked. My motherfucking homie, Doggy Dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I talk. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO win in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this. That and this and it's like that and like this and like that and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode.

chose qui était précédée d'un groupe de vieux routiers de la route Indy, soit Wilco, avec la sublime Pie Holden Suite de 1999. Et juste avant tout ça, on a eu droit à, comment dire, une exquise escale québécoise avec certainement un des hauts points de la soirée, la plus grande que nature. Le bruit des bottes, petit chef-d'œuvre, rien de moins, de Yann Perrault, tiré d'un très bel album qui s'appelle Un serpent sous les fleurs, sorti en 2009. Et bien sinon tout ça, avant tout ça, première partie de bloc ancré dans les années 90 avec Helmet, un groupe qu'on a malheureusement un peu oublié au fil du temps, au profit de certaines autres formations qui vont souvent avoir été influencées par Helmet, qu'on a entendu avec Wilma's Rainbow, et qu'on a entendu juste après Dr. Dre et Snoop Dogg dans sa toute première apparition avec la chanson qui l'a fait connaître, soit Nothing But a J-Thang de 92. Et c'est ce qui nous mène à l'origine du monde, toujours au 99.1 CFNJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Men reading fashion magazines. Oh, what a world it seems. We live in straight men. gave me always. Traveling, but not in love. Still, I think I'm doing fine. Wouldn't it be a lovely headline? Life is beautiful. Missing. Après, sud de la Naudière, quelques nuages pour les prochaines heures avec un minimum de moins 20. Jeudi, nuageux, dégagement en après-midi, maximum moins 13 et ensoleillé vendredi, moins 14 degrés au maximum. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, quelques nuages cette nuit, un minimum de moins 23. Alternance de soleil et de nuages pour jeudi, moins 12 au maximum et vendredi ensoleillé, maximum de moins 14 degrés. CFNG. dead or alright with me. We're not gonna. Sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ en pleine 9e édition du fameux Radio Pirate Mélomane, un format où on se laisse toujours un peu plus aller, ou du moins où on se permet d'écouter des artistes qu'on entend moins souvent à la radio, comme ce soir d'ailleurs. On n'est pas dans l'abrasif à comparer à d'autres Radio Pirates, mais quand même une sélection intense ce soir d'ailleurs. On vient d'entendre des vétérans de l'underground américain, nul autre que Sonic Youth avec l'hypnotique Stones de 2004, assez récente dans leur carrière si on considère qu'ils font de la musique depuis les années 80. D'ailleurs, ils vont faire partie des architectes de ce qu'on va appeler l'alternatif. Et toujours de provenance assez underground, le roi du lo-fi par opposition à hi-fi, on en avait déjà parlé à l'émission, Lou Barlow, au sein d'un de ses multiples projets, le défunt Folk Implosion avec Burning Paper de 97. Lou Barlow qui fait aussi partie de Dinosaur Jr., un groupe du temps de Sonic Youth, justement, qui seront à Montréal au mois de mars, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et avant tout ça, une perle de Radiohead avec Nude du magnifique In Rainbows qui a déjà 10 ans cette année. Le toujours grandiose Rufus Wainwright aussi qui juxtapose de main de maître le boléro de Ravel à son Oh What a Night en 2003. Ça va aussi sortir en single en 2004. Et sinon, ben, on était dans le plus ambiant un peu en début de bloc avec un des DJ les plus influents au monde, rien de moins, Amon Tobin, qui nous vient du Brésil et qu'on a entendu avec Slowly, une pièce d'ailleurs qui est rattachée à un très beau vidéoclip. Vous irez voir ça si vous avez une chance. Slowly, Amon Tobin, qui suivait Origine du monde du français Arnaud Fleurant Didier. Avec un nom comme ça, on ne peut pas s'y méprendre. C'est un français, un extrait d'un très bel album du nom de la reproduction sorti en 2009. Mais là, on va y aller d'un autre groupe légendaire en son genre, de légendaire du moins de l'indie folk américain. On pourrait même dire une étoile filante parce que son génie, Jeff Mangum, a décidé de tirer sa révérence de manière précoce après à peu près 2 albums et demi, mais ô combien intense. Entre autres choses, un gars qui a toute une plume. On écoute Neutral Milk Hotel au 99.1 CFNJ. We'll be right back.

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. School lunch. Now I spit a 16 straight with no punch. Remember all for dinner, all we ate was Captain Crunch. Now we blow big blunts on our way to brunch. Went from good fella to commissary slips. Now I got back up, man, every time I slipped. Never ever quit, I just kept on pursuing. Teacher always asked me, what was I doing? Scribbled in my notebook and never did homework. Low attention spans, guess these Adderall work. Rock Tommy Hill shirts, ones with the boat. Rock pour kicks way before we even smoke. Used to have baby lungs choking when I hit it. Nowadays, face a whole seven in a sitting. Remember back then, man, we thought we grown up. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Whoever thought I'd be the greatest growing up. Yeah. Whoever thought I'd be the greatest growing up. I can eat a pound in 664 quotas. Burn up fire and drown drops of water. Son, I told ya, got them bangs like Goya. Gone up them pills, got me jumping off the sofa. Hotter than a hot pocket out the devil microwave. Model bitches begging just to be a nigga sex slave. Excited for garments like a tailor made. And when these bitches see me, man, they wetter than a Everglades. Every day, same shit, me getting paid. Waking up, new bitch, me getting laid. Used to take bottle back, waitress bring the bottle back. Now they see me shining and they looking like a sour patch. Niggas catch a heart attack. Newport South Pack never blow blunt raps. But these blunt raps sewn up. Whoever thought I'd be the greatest growing up. Yeah. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Whoever thought I'd be the greatest growing up. Grown up. It is. place as fruit drops, flesh insects, everything will fall right into place. When we die, some sink and some rain, but at least I don't see you float away. Tree way over there, just a little tiny point. I was just sitting on it, and I was afraid to move, and I moved, and the tree just bent with me. That was weird. That's cool. Your love is like a building pushing up towards the sky, and I just want to climb your tower to your dress like apple pie. Yeah. Oh, I love you. Babies in your dress are still the wild child. Oh, it's fine towards a Tuesday. Oh, it's fine towards a Tuesday. Move into the air like a balloon. She's taking scissors to her wig. Missing candies all through my room. No arms and legs, can you dig? Can you? Falling into push paper holes into my insides. I scoop for burning up her built up mobile. Oh, I love you on a Tuesday. Oh, I love you on a Tuesday. Vegetable handle my perfume. Vegetable handle my perfume. Vegetable handle my perfume. for light on in the wild. 'Cause I'm coming in a little blind. Dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. To find you in the backyard, hiding behind our busy lives, dreaming of the lighthouse in the woods to help us get back. C'est sur ce petit chef-d'œuvre que s'achève ce très particulier 9e Radio Pirate, plus doux que les autres, mais profondément ancré dans une musique qu'on n'entend pas assez souvent à la radio. Un Québécois qu'on vient d'entendre en plus, en fait, né en Californie mais grandi au Québec, et certainement un Montréalais dans l'âme, le toujours cinématique Patrick Watson avec la surnaturelle Lighthouse de l'excellent Adventures in Your Own Backyard de 2012. On a aussi entendu le Canadien Mac DeMarco avec Blue Boy 2 ans plus tard. Des classiques en leur genre aussi, le seul et unique et toujours très mélodique Elliott Smith avec sa valse numéro 1, Waltz No. 1 de 98, qui d'ailleurs est pas sans nous rappeler Patrick Watson quelques années plus tard. Neutral Milk Hotel qu'on a entendu deux fois plus tôt qu'une dans le même bloc exceptionnellement avec Tuesday Moon de 94 et encore une fois au tout début avec la magnifique Little Birds enregistrée en 98-99 mais qui sortira pas avant 2011. Un groupe complètement unique qui gagne vraiment à être connu, Neutral Milk Hotel, tout comme les très prolifiques Modest Mouse avec ici Gravity Rides Everything en 2000, mais encore une fois un groupe qui gagne vraiment vraiment à être connu au-delà de ça. Et le tout précédé de la très catchy Grown Up par Danny Brown en 2012 qui suivait le classique Faire des enfants, qui reprise ces temps-ci d'ailleurs en concert par Bernard Adamus, mais c'est un classique de Leloup qui a déjà 20 ans encore une fois. Donc j'espère que vous avez fait des découvertes ce soir, c'était le but, que j'espère que vous avez compris aussi qu'il y a tout plein d'artistes qui font de la très belle musique encore de nos jours, il faut juste peut-être un peu plus fouiller des fois. Et ça va faire mon bonheur si j'ai pu aider à vous enligner un peu là-dedans. Et moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine, déjà mercredi 20h pour une autre édition de Mélomanes. Et je vous laisse avec une nouveauté du groupe de PTHD, alias Danny Potel, un rappeur de la région. En fait, son groupe s'appelle L'Armée du Silence. Tout ça au 99.1 CFNJ. Le démon pis serpent, tu les bouches à bitch, te démontre, tu peux me faire tard, mais tu sais où j'habite. C'est l'armée du silence, il me semble depuis hier, je ne sais grave. Tu veux que tu craques vers mon track avec une cuillère et le petit vent. Les kids, ça prend même plus le temps de vivre. Sauf pis ils se pendent vite, finissent vieux la peau qui part vivre dans leur clip en ville. C'est l'honnestie dans le pile, l'armée qui arrive en ville. C'est le gars qui sans les gangs, les gars s'habillent en fait. Le gang, c'est une plate à cache, le rapide trichement. À deux soldats, crée-moi qu'on vaut au moins quatre régiments. Le sang crie légitimement, la mort nous sort de la gueule direct. Si la vie pouvait parler, dis que je crie fort qu'elle te dirait. C'est pas juste pour nos chiens, c'est pour nos coyotes, pis toutes nos canidés. T'écoutes nos tracks, pis t'es forcé de l'affirmer, tu gagnes aux qualités. C'est quoi, tu nous trouves malsain, cruel, ben bon, cours, escrame. J'peux fucking chien cruel, moi j'peux chien de fond, cours, escrame. C'est l'armée du silence, mais moi ça me semble depuis hier, je ne sais grand. Quand j'écris des verses de shit street comme du ciment frais. L'armée qui arrive en ville, l'armée qui arrive en ville, l'armée qui arrive en ville, l'armée qui arrive en ville. C'est l'armée du silence, c'est l'armée du silence, c'est l'armée du silence. On fait chauffer le bicarbonate de soude. Le sang pas normal, faudrait qu'on slack la beuh. La track la veut, je l'ai rien que dans un appart crasseux. Et yo si Dieu le sait, c'est sûr que le diable s'en doute. Avec un seul geek, t'as toutes les dents qui te cassent dans la bouche. T'écoutes les tracks en boucle, depuis que je suis back dans le hood. Pendant que les anticipateurs investissent le cash dans poudre. Sur le sac de moulé, les chiens du rap d'ici ont faim. Dans leur shit track, depuis que mes tracks sont hallucinogènes. On fera pas preuve de politesse. J'suis un fantôme noyé dans le 41 comme Johnny Depp. Pour être vrai, pas besoin d'avoir fait 10 ans ferme. Quand j'écris des verses de shit street comme du ciment frais. J'te l'étudie, on est gigantesque. Tu nous étudies, tu veux la sauce que j'ai mis dans ce texte. Mes lignes sont fulminantes comme une chicane de course. C'est l'armée du silence, on fait chauffer le bicarbonate de soude. C'est l'armée du silence, mais moi ça me semble depuis hier je ne sais grand. Quand j'écris des verses de shit street comme du ciment frais. L'armée qui arrive en ville, l'armée qui arrive en ville, l'armée qui arrive en ville, l'armée qui arrive en ville. C'est l'armée du silence, c'est l'armée du silence, c'est l'armée du silence. On fait chauffer le bicarbonate de soude, de soude, de soude.